Alors on est toujours sur la manif de Rouen et là je suis avec... Cyril Briffaut, CGT Chapelle d'Arblay. Ah ben ça tombe bien parce qu'on m'a conseillé de m'adresser à toi et puis je tombe sur toi par hasard, donc c'est parfait. Et ben du coup, est-ce que tu peux expliquer, toi, tu es à la Chapelle d'Arblay, c'est quoi la Chapelle d'Arblay ? La Chapelle d'Arblay, c'est la seule usine en France 100% recyclée qui fabrique du papier journal. Ah, c'est grâce à vous que toutes les rues de Rouen sont décorées de papier à chaque manif. Exactement, on a voulu démontrer ces derniers temps ce que colle et ressemblait à Rouen et le bassin de l'Axe Seine. Quand au mois de juin, Chapelle d'Arblay, si on les laisse faire, aura disparu. Donc, est-ce que tu peux parler plus précisément de la mobilisation au sein de votre boîte et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Alors, on est ici aujourd'hui parce qu'évidemment, on ne pourra jamais se désinscrire des actions et des appels de la Confédération. Ce qui se passe là, le projet de réforme, même si ça ne ressemble pas à ce qui se passe à Chapelle d'Arblay, on ne peut pas se désinscrire. La CGT appelle à la manifestation générale, à la grève et à la lutte. Et forcément, on est concerné, même si malheureusement, les PSE successifs à la Chapelle d'Arblay ont fait beaucoup de mal. Et PSE, tu peux préciser, PSE ? Alors, le PSE, c'est là où c'est bizarre, c'est ce qu'ils appellent un plan de sauvegarde de l'emploi, PSE. Alors que ça n'a jamais sauvegardé un emploi, c'est très vulgairement, c'est écrémer du personnel pour essayer de sauver la boîte. C'est la novlangue où ils disent le contraire en fait avec le terme quoi. Exactement, exactement ça. Et ces dernières années on en a eu tellement qu'on a perdu beaucoup d'anciens et de jeunes qu'on a envoyés prématurément à la retraite, on pouvait encore à l'époque avec des plans. Et maintenant on se retrouve avec une moyenne d'âge dans l'usine où quand ça va fermer, ça fera beaucoup de chômeurs sur place. Et donc là vous menez quoi comme type d'action sur la boîte ? Alors sur la boîte, comme type d'action, on a commencé à monter une commission industrielle avec la préfecture, le préfet, la région et beaucoup de personnes autour de la table. Mais on attend des réponses très concrètes parce que l'échéance qui avait été donnée par la direction, c'est lundi. D'accord. C'est lundi 13 et on attend des réponses très rapides. Et est-ce que tu veux donner des dates de prochaines mobilisations pour la Chapelle d'Arblay ? Alors pour l'instant, les prochaines dates, non, on va éviter de les donner parce qu'on ne voudrait pas éventrer tout de suite nos projets, mais... Effectivement, si on n'a pas nos réponses, on va durcir le ton très très fortement. Très très fortement, il ne faut pas s'attendre à avoir que du papier dans la rue. Merci. Pas de soucis, merci beaucoup.